Les Saguenay de Chicoutimi, hier, on fait parler beaucoup d'eux, c'est pas juste à travers le, pas juste à travers le, la région, mais à travers le Québec. Ils ont changé de logo pour le 50e anniversaire. Sur les médias sociaux, ça fait pas l'unanimité, quoi qu'il en soit, on en parle avec le président Richard Letourneau. Salut Richard! Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Richard, est-ce que tu t'attendais à ça? Moi, écoute, est-ce que tu t'attendais à ça d'avoir un petit peu des gens qui étaient très déçus, même un peu même fâchés? J'ai vu certains commentaires passer, puis c'était ça, là. Ouais, je pense que dans un premier temps, ce matin, on a quand même regardé toutes les statistiques. Il y a quand même 75% des gens qui sont satisfaits du changement de logo. Maintenant, une fois ça dit, oui, il faut travailler les 25 autres pourcents, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est sûr que il faut se dire aussi, puis ça fait partie aussi de la notoriété des Saguenayens, etc., etc. Tu sais, aller jusqu'à 14h59 hier, on avait un logo, puis une minute plus tard, on se ramasse avec un nouveau logo. C'est sûr qu'en partant, ça comme dirait l'autre, il y a quand même un choc. Ouais. Mais, comme ce matin, j'ai été dans des postes de radio ce matin, je suis arrivé avec mon chandail, les gens m'ont vu avec le chandail, ils ont dit « Oh, putain, là, c'est pas pareil. » C'est quand même le logo qui est sur le chandail, ça représente plus. T'sais, c'est pas juste un logo qui est sur rien, là. Ben moi, je comprends le geste. D'abord, pourquoi ils avaient fait ça? C'est la question. Moi, je le comprends, Marc ben, là. Mais oui, parce que on est rendu là, c'est-à-dire que notre logo, même s'il n'était pas laid proprement dit, avait quand même beaucoup d'écriture. C'est-à-dire qu'il y avait Saguenayens marqué, puis après ça, il y avait les Saguenayens de Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça faisait pas mal d'écriture. Donc, quand c'était le temps d'aller à l'impression, c'était pas toujours facile, que ce soit au niveau de tous nos produits dérivés. Puis la tendance maintenant, au niveau des logos, c'est qu'ils soient épurés. Alors, regardez, juste le Canadien de Montréal, c'est CH. Mm. Cowboys de Dallas, c'est l'étoile. Les Yankees de New York, c'est le N puis le Y. Ouais. On y va avec les plus récents, les Golden Knights. Les Golden Knights, c'est le casque. T'as pas d'autre chose. Mm. Donc, c'est un petit peu à ça qu'on fait référence, mais il va y avoir aussi, comme les autres logos, des fois, ça va être marqué Saguenay, Chicoutimi aussi, mais quand on va parler du logo, spécifiquement, ben ça va être le logo comme il est là. Mais moi, je pensais que c'était une question financière. Parce que quelque part, le COVID a fait très mal aux organisations de sport. Et qui dit nouveau logo dit produit, vente de produits dérivés. On vend plus de chandails et ainsi de suite. Est-ce que c'était ça? Non, du tout. Je pensais que c'était ça, moi. Du tout, Danny. Faut pas, non. Parce que, écoute... Okay. Je prenais l'exemple des Cowboys tantôt ou des Golden Knights. Ouais. C'est, tu sais, eux autres, ils ont des millions de partisans, puis ils ont un exposure de centaines de millions. Nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle pas de ça. Fait que, si on parle de produits dérivés, c'est les revenus que ça rapporte dans l'ensemble du budget de l'organisation, c'est minime. Ah, OK. Fait que, on fait surtout pas ça pour ça. On fait ça parce que c'est notre regard vers le futur. C'est-à-dire qu'on se sert du 50e pour regarder le passé, de 73 à aujourd'hui. Puis le nouveau logo, ben on se dit maintenant, on regarde vers le futur. Puis je peux dire que tous les jeunes, proprement dit, là, que ce soit nos joueurs, nos anciens joueurs jeunes, des gars comme Nicolas Roy, puis des jeunes qui sont sur Instagram sont tout contents de cette évolution-là. Moi, je suis pas beau, là. Je suis pas un spécialiste de logo. Là. Je me contente pas d'histoire, là, mais moi, je le trouve très beau. Moi, j'ai pas de problème avec exact. Ça. Mais je comprends ceux qui... Parce que moi, je peux te dire que quand ça a été le temps, écoutez, ça fait quand même 3 ans qu'on le travaille, là. Je peux dire que puis moi j'ai pas participé proprement dit à ce travail-là. Là, c'est des gens comme il y avait 3 membres du conseil d'administration qui étaient là-dessus, soit Jean-François Abraham, Marc Denis, Yves Girard de Nutrinor, on avait notre directeur d'opération, Serge Proulx, puis on avait Marc Gauthier de Trademark, là, qui est un spécialiste, qui était avec nous. Puis les premiers esquisses qu'ils ont fait, quand ils ont présenté au CA, c'était non. Puis je veux dire, on a même regardé de prendre l'ancien logo, d'enlever toutes les écritures, mais en enlevant les écritures de l'ancien logo, le logo se tenait pas. C'est pour ça que On l'a travaillé, puis on arrive avec ça. Puis effectivement, moi, je suis pas inquiète que les gens vont se l'approprier, puis ils vont s'habituer. Moi, je suis pas inquiète. C'est moins pire que Ciel de Montréal, genre. Parce que Ciel de Montréal. Moi, je pense que ça ne se compare pas. Non, tu chantes, parce que j'ai entendu des comparaisons avec le Ciel de Montréal. Premièrement, le Ciel de Montréal, ouais. Tu n'avais pas changé de nom, là. Un, on n'a pas changé de nom. Ouais. Deux, on garde exactement le même gilet. Trois, c'est sensiblement le même logo. Ouais. Je veux dire, la couronne est là. Le bleuet est là. Le lac est là. Ouais. Je veux dire, le S pour Saguenayens, ben, au moins, tu sais, je veux dire, je pense que l'essentiel est là. Mm. Maintenant, c'est ça. Ça va être. C'est normal que pour des gens, ça prenne un certain temps à s'habituer. Même moi, personnellement, quand j'ai vu le logo, ben, puis même le CA, quand on a vu ce logo-là, on s'est dit, c'est pas. Puis là, ben, whoop, on l'a mis sur un chandail, puis on a dit, ah, là, ben, là. Ah ouais, mais tu sais, ça a quand même pris un certain temps. Fait que c'est normal que les partisans prennent un certain temps. Mais moi, je suis pas inquiète qu'ils vont se l'approprier. Là. Moi, je suis pas inquiète. Ben non, ça va être le temps. Un logo, c'est pas un nom. C'est moins pire qu'un nom. C'est ça. Exactement. Puis, il va y avoir encore des fois le logo avec en bas marqué Saguenay-Chicoutimi ou strictement Saguenay-Chicoutimi. Mais tu sais, je veux dire... Le nom officiel reste encore les Saguenay juniors majeurs de Chicoutimi, là. C'est juste qu'on l'a épuré pour effectivement faire comme c'est la tendance maintenant des nouveaux logos au niveau professionnel et autre. Faut suivre la tendance. Puis on se disait, nous, qu'avec le 50e, c'était le moment idéal de le faire. Ben oui. Fait que surtout que ça fait 3 ans, là. Donc j'imagine que c'était ça l'objectif au départ du 3 ans, là, tu sais, que quand vous avez. C'était au 50e que vous vouliez faire ça, hein? Oui, exactement. Tout est en fonction. Comme je dis, le 50e, c'est souligner le passé, oui. Tu sais, les 50 dernières années, mais de regarder les 50 prochaines aussi. Là. Ben effectivement. Puis là, sur le plan hockey, ça va quand même assez bien pareil. Là, les Saguenay vont avoir le troisième choix au repêchage. Vous avez oui, au niveau hockey. Puis avec Hendrix Lapierre, vous avez quoi? Ça vous a donné quoi? Vous avez 3 choix de première ronde en plus de ça, je pense. Ouais, effectivement, là, on va avoir des joueurs, ça va s'en transformer en joueurs possiblement. Ben écoutez, je pense que... En général, là, je veux dire globalement, là, cette année, on parle de 4 choix de première ronde, ouais. C'est-à-dire 3e, 12e, 13e et 18e. Après ça, on parle l'année prochaine de 2 choix de première ronde, c'est-à-dire le nôtre et Batters. Mm. Puis après ça, en 24, on parle de 2 autres choix de première ronde, c'est-à-dire le nôtre, puis je me rappelle pas donc exactement lequel. Vous êtes quand même très, très bien positionné. Fait que ça va aider aussi là, à relancer. Là. Exact. Exactement. Non, moi, je ne suis pas inquiète. Dès l'année prochaine, on va avoir des jeunes qui vont être le fun à suivre. Ouais. C'est pas irréaliste de penser de gagner une ronde au moins l'année prochaine, au moins. Je pense que c'est ça que je disais un peu ce matin. 2019-2020, ça a été l'apocalypse. Mais ouais. Effectivement, l'année 2018-2019, c'est l'année où, effectivement, on avait 3 choix de première ronde qui jouaient. Mm. On avait Henrik Lapierre, on avait Théo Rochette, puis on avait Guillaume Dufour. Mm. Et rappelez-vous que cette année-là, on a perdu en première ronde contre Rimouski, mais on a perdu avec des matchs en troisième prolongation. Ouais. Donc, ça avait été quand même une année quand même super le fun. Puis l'année d'après, on était déjà parmi les bons. Ouais, fait que je pense que non, l'avenir est super intéressant. Puis on a quand même des très bons gars de hockey, là. Fait que moi, je suis pas inquiète que les partisans vont continuer à vibrer, là. Ben, Richard Letourneau, un gros merci. Ça a fait parler pas mal. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça l'idéal. Ouais, c'est faut même pas à travers le Québec, ça, ouais. Ça en a parlé. Fait que... Ben, exactement. Tu sais, faut pas oublier que... Ben, un, c'est là qu'on voit la notoriété des Saguenayens. Je pense que ça, c'est drôlement important. C'est un des clubs 24. Puis deux... Ouais. Ouais, puis deux, faut pas oublier que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Saguenayens, c'est un petit peu le petit Canadien, hein. Ouais, effectivement. Les gens sont proches de l'équipe, et tant mieux. Puis c'est un défi qui est drôlement intéressant pour nous. Ça aurait été l'indifférence qui aurait été inquiétant. Que là, c'est ça. Effectivement. Exactement. Richard Letourneau, un gros merci, au plaisir de se parler. Parfait, merci Daniel. Le président des Saguenayens, Richard Letourneau.